France Culture, Étienne Klein. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Pierre-Louis Lion sous la trajectoire non linéaire d'un mathématicien. Chères auditrices, chers auditeurs, je saisis l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de vous parler en direct pour vous souhaiter de vive voix une belle et heureuse année 2021, à l'écoute évidemment de France Culture. Je formule le vœu qu'elle soit pour vous une année lumière. Une année lumière sans le tiret que les physiciens mettent entre ces deux mots, sinon ça ferait beaucoup trop loin, même à vol d'oiseau. Je vous souhaite surtout une année sans virus, ce qui serait au demeurant le meilleur moyen de pouvoir organiser une rêve sans ennui, contrairement à la rêve partie du nouvel an à Lyon. Et croyez-moi, si je dis cela, ce n'est pas seulement parce que une rêve sans ennui se trouve être l'anagramme d'une année sans virus. Je remercie en tout cas et au passage Olivier Garcia qui m'a signalé cette jolie coïncidence. Pierre-Louis Lions, notre invité, est mathématicien, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. En 1994, à l'âge de 38 ans, il fut lauréat de la médaille Fields, qu'on présente souvent comme l'équivalent d'un prix Nobel de mathématiques, sans toujours préciser que cette distinction n'est remise que tous les 4 ans, alors que les prix Nobel tombent, eux, au mois d'octobre de chaque année. Pierre-Louis Lions se définit comme un analyste et seulement comme tel, ce qui veut dire qu'il ne se considère ni comme un géomètre, ni comme un algébriste. Il s'est très tôt spécialisé dans les équations aux dérivées partielles dites non linéaires, qualité qui les rend beaucoup plus difficiles à résoudre, donc beaucoup plus intéressantes que les autres, d'autant qu'elles s'appliquent à de multiples problèmes très concrets. Pierre-Louis Lions a par ailleurs la réputation de dire sans détour ce qu'il pense. Il a accepté d'être notre invité pour notre conversation de ce 9 janvier 2021 et je l'en remercie. Il est avec nous en direct chez lui par téléphone. Bonjour Pierre-Louis Lions, d'écorcher votre nom. Vous m'entendez bonjour bien ? Bonjour Étienne Klein, je vous entends parfaitement. Est-ce que le très rapide portrait que je viens de faire de vous est juste ? Il est incomplet, ça c'est sûr. Mais est-ce que le peu que j'ai dit contient des erreurs ? Non, ça me va très bien. Peut-être une précision, ça n'a pas beaucoup d'importance, je n'attache pas beaucoup d'importance à tous ces prix. Mais dans la comparaison classique entre médaille Fields et prix Nobel, le point le plus important, ce n'est pas le nombre, puisqu'il y en a 4 en gros tous les 4 ans, ça fait donc un par an, donc c'est à peu près pareil. Oui, mais il y a plusieurs prix Nobel par an aussi. Mais en revanche, c'est attribué à une mathématicienne ou à un mathématicien, hélas, le plus souvent un mathématicien qu'une mathématicienne, il n'y a eu qu'une seule femme jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, c'est attribué à une mathématicienne ou à un mathématicien de moins de 40 ans. Donc, ou bien on considère qu'on a fini de travailler à 40 ans, ou bien on considère que c'est un prix d'encouragement. Et je pense que c'est beaucoup plus un super prix d'encouragement qu'un prix récompensant une carrière, une œuvre, comme c'est souvent le cas du prix Nobel. En tout cas, moi, je l'ai considéré comme un prix d'encouragement. Tu as bien bossé, il faut continuer comme ça. Et vous avez continué, et dans un livre qui est paru il y a peu de temps, qui s'intitule « Dans la tête d'un mathématicien », vous décrivez votre parcours et au passage, vous dénoncez certains clichés qui concernent les mathématiciens et les mathématiques d'ailleurs. Et vous dites par exemple, les mathématiques souvent, à les entendre, nous expliquent que telle grande découverte serait le fruit d'un moment de grâce presque divine qui aurait livré en un éclair la clé d'un problème contre lequel toute approche rationnelle avait résisté durant des dizaines d'années. Et vous dites, ce genre de récit me rend perplexe, le mot est faible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moment d'eureka dans la vie intellectuelle d'un mathématicien ? Oui, il y a des moments où on a l'impression de comprendre tout à coup quelque chose qui nous échappait depuis plus ou moins longtemps. Mais il y a tout un travail intense de préparation vers ce moment où ça se décoince. le problème se résout. Donc je ne pense pas que ça soit un instant sublime et que la grâce divine auquel je ne crois guère n'y joue vraiment aucun rôle de mon point de vue. En tout cas, personnellement, moi, ce genre de sentiment, ça ne m'est jamais rien arrivé. Il y a effectivement un moment où tout à coup, on a compris quelque chose, mais comme tout un chacun, dans de nombreuses circonstances de la vie, tout à coup, on réalise quelque chose. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on fait des maths. Tout à coup, on comprend un petit truc qui nous échappe. Pourtant, y a des mathématiciens qui parlent de moments de grâce extraordinaires. J'en ai trouvé deux. Le premier, enfin, il y en a plusieurs, plus que deux, mais il y a par exemple André-Marie Ampère, qui écrit ceci le 27 avril 1802. J'ai poussé un cri de joie. Il y avait 7 ans que je m'étais proposé un problème que je n'ai pu résoudre directement, mais auquel j'ai trouvé par chance une solution que je savais correcte sans pouvoir le prouver. Le sujet me revenait souvent à l'esprit et j'avais essayé 20 fois sans succès. Pendant plusieurs années, j'avais promené l'idée avec moi continuellement. Enfin, je ne sais comment, je l'ai trouvé en même temps qu'un grand nombre de considérations curieuses et nouvelles concernant la théorie des probabilités. Et puis il y en a un autre que vous connaissez très bien, vous le citez d'ailleurs dans votre ouvrage, Pierre-Louis Lyons, qui est Gauss, le prince des mathématiques, qui raconte dans une lettre comment il démontra un théorème sur lequel il avait travaillé pendant 20 ans. « Enfin, dit-il, il y a 2 jours, j'ai réussi non à force de grand labeur, mais pour ainsi dire, par la grâce de Dieu. Comme dans un éclair brusque, l'énigme s'est résolue. Pour ma part, je suis incapable de dire quelle sorte de fil reliait ce que je savais antérieurement à ce qui a rendu possible mon succès. » Que c'est bien dit. Oui, c'est magnifique. Cela dit, c'est pas, à part l'instant, le déclic. À part cet instant assez bref, de pousser des cris de joie parce qu'on a compris quelque chose, ça m'est arrivé aussi. Donc je comprends très bien ce sentiment et je crois que tous les mathématiciens professionnels, les chercheurs en mathématiques, partagent ce genre d'expérience avec un problème qui résiste très longtemps. Moi, je raconte dans mon bouquin comment un problème m'a résisté. J'étais sûr de savoir le faire, mais je savais absolument pas comment et j'ai mis 10 ans à le résoudre. Et au bout de 8 ans, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que je me posais la mauvaise question et que la bonne question était autre. Et là, ça a été beaucoup plus rapide. Donc, si vous voulez, ce genre d'expérience, on les a. Ensuite, le moment de réca, cet instant de déclic, pour moi, c'est plutôt la résultante de tout ce qui s'est passé avant, de toutes les voies qu'on a explorées et qu'on a abandonnées. Et on cherche une nouvelle voie et puis tout à coup, on la trouve. Bon, c'est peut-être mon athéisme qui fait que je ne peux pas parler de grâce divine, mais il y a des déclics. Mais je pense que tout le monde a des déclics comme cela dans la vie. Il y a tout à coup un moment où on met en relation des choses, on comprend quelque chose. Vous pensez pas qu'on a tous des moments comme ça ? Si, si, même à l'école, quand on découvre, par exemple, la première démonstration du théorème de Pythagore, on peut avoir l'impression d'une révélation, on comprend. Exactement. Alors, si vous le voulez bien, Pierre-Louis Lyon, j'aimerais qu'on évoque quelques moments de votre biographie que vous racontez en partie, en tout cas dans votre ouvrage. Vous vous définissez comme un garçon du sud et des montagnes. Ça fait quelle région, ça, le sud et les montagnes ? Alors, toute ma famille vient de Grasse, et Grasse, c'est la ville bien connue pour ses parfums, hein, pensez au roman de Susskind, bien connue, ça remonte à une activité qui remonte au Moyen-Âge, hein, tannerie et parfums, qui est déjà dans les contreforts des Préalpes, hein, des toutes petites montagnes qui sont s'élèvent à partir de la plaine côtière, donc c'est derrière Cannes, pas très loin de Nice. Donc, petite ville, toute ma famille vient de là, mais en fait, l'origine de la famille est même de la montagne, des montagnes qui sont un peu au-dessus, un peu au nord, pardonnez-moi, de Grasse. Donc, c'est effectivement ces Alpes, dit-on maritimes, qui sont le berceau de toute ma famille, et des deux côtés de ma famille, de mon père et de mon père. Et effectivement, j'y ai passé pas mal de temps, même si mon père travaillait dans le nord, et c'est toujours des moments heureux, c'est des moments de bonheur, c'est la lumière, la mer, les montagnes. Oui, c'est un endroit qui m'est cher. Mais est-ce que c'est une terre de rugby ? Je pose la question parce que je sais que vous avez pratiqué le rugby. Je n'ai pas l'impression que ce soit le territoire le plus fameux de ce point de vue. Non, c'est vrai, encore que il fut un temps où il y avait une fort bonne équipe à Nice avec le grand poète du rugby, le grand chevelu barbu poète du rugby. Et il y avait aussi une équipe à Toulon. Donc c'est Toulon, il y a toujours une très belle équipe de rugby. Donc le rugby s'est quand même un peu répandu dans toute la France, y compris dans le sud-est. Mais vous avez raison, on est loin du sud-ouest. Mais le rugby, c'est une acquisition liée au fait que mon père travaillait à Paris et que donc j'ai été élevé, toutes mes études se sont déroulées à Paris. Donc le rugby, ça vient de Paris, pour moi. Alors votre père, vous en parlez, c'est Jacques Louis XI qui... Aïe. Ah. J'ai un souci de perceuse qui se met en route. C'est les joies du direct. Je vais peut-être changer de place, de pièce. Hein. Alors je serais peut-être plus sûr. Oui. Alors pendant que vous déménagez, pendant que vous déménagez à l'intérieur de chez vous, vous évoquiez votre père qui était Jacques Louis XI, très grand mathématicien lui aussi. Et j'ai découvert en lisant votre livre que il a fait de la résistance dès l'âge de 14 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire de la résistance à 14 ans? Ben, écoutez, il s'est engagé dans la FFI quand il avait 14 ans. Mon grand-père était un des responsables locaux de la résistance et a été arrêté très tôt, fort heureusement pour lui, par les Italiens qui occupaient cette région de la France. Et ma grand-mère et mon père sont allés dans un petit village situé derrière Grasse, en Don. Et un mouvement de résistance s'est rapidement créé. Et mon père, effectivement, en taisant son âge, a rejoint ce petit mouvement. Et puis il a intégré ce qu'on appelle les classes préparatoires à Nice. Il est entré à l'école normale et quand vous êtes né, il venait de terminer sa thèse de mathématiques sous la direction du premier lauréat français de la médaille Fields, qui était Laurent Schwartz, que vous avez connu du coup, très bien connu. Ah, tout à fait. Laurent Schwartz et mon père étaient très amis. Il y avait cette relation, bien entendu, de maître à élève, mais ça allait au-delà. Il y avait des liens profonds. Donc, je me souviens bien même d'un voyage en voiture au Portugal. On a fait du tourisme avec monsieur et madame Schwartz et moi à l'arrière. Donc, vraiment une famille très proche. Je me rappelle de son fils qui me faisait beaucoup jouer, il était un peu plus vieux que moi, très très gentil. Donc oui, des liens qui allaient bien au-delà d'un rapport professionnel avec... Mais comment était-il dans la vie de Laurent Schwartz? Parce qu'il a été professeur à Polytechnique, il a été l'inventeur en mathématiques de ce qu'on appelle la théorie des distributions. Est-ce que vous avez des souvenirs qui montrent quelle était sa personnalité, par exemple? Quelqu'un de très doux, de très intelligent, très pédagogue... un peu éthéré, hein, un peu pas toujours bien conscient d'un certain nombre de contraintes terrestres, mais un homme délicieux, d'une grande culture, d'une grande intelligence et courageux aussi. Hein. Vous parliez à l'instant du fait qu'il était professeur à l'école polytechnique. Il a démissionné pendant la guerre d'Algérie parce qu'il était complètement opposé à cette guerre qu'il considérait comme une guerre coloniale. Donc il a démissionné à ce moment-là de l'école polytechnique parce que c'était une école militaire. Alors, vous défendez dans votre livre la recherche fondamentale, en mathématiques notamment, mais vos travaux, certains d'entre eux en tout cas, portent sur des applications, plutôt de la physique appliquée ou des mathématiques appliquées. Et quand on vous pose la question, pourquoi faire des mathématiques, que répondez-vous ? Oui, il y a beaucoup de raisons. Donc là, c'est une question, c'est une vaste question. Il y a beaucoup de raisons. Alors, déjà, un petit moment de point de recul. Les mathématiques, c'est à la fois une science, mais c'est aussi un outil ou un langage, on peut le qualifier comme on veut. Et cet outil ou ce langage, il est utilisé par tous les scientifiques dès qu'ils ont des préoccupations quantitatives. Donc dès qu'on va au-delà d'une description qualitative, lorsqu'on le peut, quand on le peut, eh bien, les mathématiques apparaissent et le langage des mathématiques, l'outil mathématique est alors utilisé par un grand nombre de scientifiques, d'ingénieurs, etc. Donc, il y a une sorte de dualité dans les mathématiques, une science, mais aussi un outil qui est partagé par beaucoup de personnes qui ne sont pas des mathématiciens stricto sensu. Vous êtes physicien et vous êtes vous-même servi de beaucoup de mathématiques. Et c'est très bien comme ça. Les mathématiques n'appartiennent pas aux mathématiciens. Donc, voilà déjà un point qui est important, c'est que les mathématiques sont utilisées par un grand nombre de personnes. Alors, les mathématiques, elles sont nées de préoccupations concrètes. Il suffit de se référer à l'étymologie de toutes les principales branches des mathématiques. Premier exemple, le mot « calcul ». Sans doute, la première chose que les enfants voient à l'école des mathématiques, c'est le calcul. Calcul, ça vient de calculus en latin, qui signifie caillou. Et quel rapport entre le calcul et le caillou, même s'il y en a un dans le calcul rénal, c'est évidemment pas le calcul pour compter qui intervient. Donc le point, c'est que les cailloux étaient utilisés pour compter le nombre de bêtes dans un troupeau. Donc, le calculus, le caillou, qui devient le calcul. Analyse, c'est la décomposition. C'est comment analyser une situation complexe en décomposant les différents phénomènes. Ça, c'est l'analyse. Géométrie, l'origine grecque est claire, hein. Mesurer le terrain. L'aléatoire, ça vient de aléa. Aléa, c'est le dé. Et hasard, le fameux hasard, notion mathématique cruciale, ça vient d'arabe et ça signifie dé. Averroès s'en sert le premier et ça signifie dé. Si vous voulez, donc toutes les branches des mathématiques et toutes les mathématiques naissent de problèmes concrets. Et c'est donc l'aspect outil et il y a évidemment l'aspect science qui est développer la logique interne, développer cet outil, inventer de nouveaux outils, développer le langage, construire la grammaire, etc. etc. Donc, de nos jours, enfin, on fait un bond dans le temps, de nos jours, les mathématiques sont absolument partout. Absolument partout. Je vais peut-être commencer par des exemples avant de parler, de faire un discours un peu plus général, mais là, on est à la radio. Bon, à la radio, on écoute de la musique. La musique, on connaît bien les fichiers numériques maintenant de la musique. C'est des maths, c'est de la compression mathématique. Vous regardez un film sur votre box internet, c'est des maths, le protocole TCP/IP, c'est des maths. Vous allez à l'hôpital, malheureusement on en parle beaucoup en ce moment, vous allez à l'hôpital, on vous fait un scanner, il y a des maths. Les moyens de transport, il y a des maths partout. Donc il y a des maths partout parce que c'est l'outil qui permet de faire des calculs, c'est l'outil qui permet de comprendre ce qui se passe dans des situations où on ne peut pas le voir directement. Alors, de nos jours, effectivement, ça prend une ampleur considérable, puisque on est dans la révolution que l'on dit digitale. J'aime pas trop le mot digital. Hein. Je préfère numérique. Je préfère numérique, absolument. C'est une ère numérique qui, d'ailleurs, avait été prophétisée par une de mes héroïnes, Ada Lovelace, née Byron, hein, la fille de Lord Byron, qui est probablement la première personne au monde qui a écrit un algorithme. Les ordinateurs n'existaient pas vraiment. On parle de la moitié du 19e siècle. Les ordinateurs n'existaient pas vraiment. Il y avait Babbage qui essayait de construire sa machine à calculer. Et elle invente donc un algorithme pour construire récursivement les nombres de la suite de Fibonacci. Bon, peu importe. Mais plus important, c'est que dans sa thèse, elle prophétise le fait que l'on pourra faire des calculs sur toutes les informations qui pourront être numérisées. Et elle évoque explicitement les sons, la musique, la voix, mais aussi les images, et se pose la question de l'intelligence artificielle. Donc un côté absolument visionnaire qui maintenant s'est réalisé. Toutes les informations auxquelles nous avons accès sont maintenant essentiellement numériques, numérisées. Cela veut donc dire que pour les manipuler, il y a des algorithmes. Derrière ces algorithmes, il y a des maths. Donc voilà pourquoi les maths sont absolument partout. Mais je le répète, rassurez-vous, il y a des maths partout. Il n'y a pas forcément des mathématiciens partout. Ça pourrait être dangereux. Donc il y a des maths partout. Et on n'a pas forcément besoin de le savoir. Quand on allume l'électricité dans une pièce, je crois que presque personne ne pense aux équations de Maxwell qui régissent le mouvement des électrons dans le système électrique de la pièce. Là, c'est un peu la même chose. Il y a des maths partout qui font marcher tout un tas d'objets et tout un tas de systèmes dont on se sert sans arrêt. Bon, c'est bien de le savoir. De le comprendre dans les détails, c'est une épreuve hors d'atteinte pour tout le monde, y compris moi. On va y venir. Alors, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai posé cette question, pourquoi faire des mathématiques? Et est-ce que vous connaissez la réponse que donnait Laurent Schwartz à cette même question qu'on lui posait souvent? Ah non, je connais pas sa réponse. Eh ben, je vais vous lire sa réponse. C'est un texte que j'ai trouvé sous sa plume. Voilà ce qu'il dit. Je pense que ça va vous plaire. Il dit, il faut faire des mathématiques parce que les mathématiques, ça sert à faire de la physique. La physique, ça sert à faire des frigidaires. Les frigidaires, ça sert à y mettre des langoustes. Et les langoustes, ça sert aux mathématiciens qui les mangent et sont alors mis dans de bonnes dispositions pour faire des mathématiques qui servent à la physique, qui servent à faire des frigidaires, etc. Je reconnais bien son sens de l'humour et un certain goût pour la provocation. C'est pas tout à fait faux. Alors c'est vrai que Laurent Schwartz, pour lui, ça c'était son goût personnel, même la théorie des distributions provient de calculs un peu formels que faisait le grand physicien Dirac et que... Laurent Schwartz voulait vraiment mettre sur des bases mathématiques solides et développer pour en construire un outil qui s'est révélé extrêmement puissant. Donc Laurent Schwartz était absolument fasciné, passionné par la physique. Donc c'était assez naturel qu'il évoque surtout la physique. Vous parlez de provocation à propos de Laurent Schwartz, mais vous-même, parfois, vous êtes un peu provocateur. Enfin, vous parlez de vos années de classe préparatoire au lycée Louis-Grand, maths-sup, maths-p. Bon, j'ai bien connu ce milieu, j'y suis passé juste après vous. Et voilà ce que vous écrivez. Et là, j'ai été vraiment choqué. Vous dites, je crois pouvoir dire que les classes prépa, et la maths-sup en particulier, furent deux années scolaires à mi-temps. Imaginez la réaction d'un élève aujourd'hui qui vous lit et qui passe 20 heures par jour à travailler. Ouais, j'ai un peu honte parce qu'il y a plein de gens qui souffrent énormément en classe prépa. Écoutez, il s'est trouvé que, bon, on était dans ce lycée très particulier, qui est toujours assez particulier, où les classes sont hyper sélectionnées. Donc j'avais comme condisciple, notamment, et beaucoup d'autres, Jean-Christophe Yocos. Qui a eu la médaille FIS en même temps que vous. Ouais, prof au collège. Dans la même classe de terminale, il y a 4 ou 5 personnes qui sont des mathématiciens professionnels de haut vol. C'était un peu particulier. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a eu un prof absolument incroyable en terminale qui adorait les maths. C'était pas un immense pédagogue, mais il avait une passion des maths qui était absolument extraordinaire et il nous la transmettait. Donc en fait, moi, je savais pas très bien si je voulais faire des maths, je voulais faire des sciences, c'était clair. Mais c'est ce prof qui a tout déclenché. Et ce prof, fin septembre, début octobre, au bout d'un mois de classe en terminale, nous dit « Voilà, le programme de l'année est fini, maintenant on va s'amuser. » Et donc, une partie d'amusement, ça a été de faire une bonne partie du programme de Mathsup. Une bonne partie de l'année a été consacrée à faire une bonne partie du programme de maths-p. Bon... Et donc, si vous voulez, on avait à peu près 6 mois d'avance venant de cette classe sur le programme, et donc, du coup, la quantité de travail à fournir était plus faible. Et pourtant, vous séchiez des cours. le cours de dessin industriel. Vous alliez au cinéma, vous écoutiez de la musique, ou vous en faisiez peut-être, je ne sais pas. Non, non, hélas, non, mais oui, on passait pas mal de temps dans le bar, à jouer au flipper ou aux cartes, oui. Bon, il n'y a pas de quoi être très très fier. Disons qu'on avait la possibilité, on n'était pas obligé de, on était dans des conditions, on avait été préparé de telle sorte que on pouvait se permettre d'être un peu léger là-dessus. Donc c'est pas un conseil que je donne aux élèves qui sont maintenant dans ces classes. C'était un peu des circonstances particulières et comme je ne voulais pas tricher dans ce que j'écrivais dans le bouquin, dans ce que nous avons écrit dans le bouquin, d'ailleurs au passage je fais un petit aparté, je veux dire ce bouquin il n'existerait pas s'il n'y avait pas eu cet excellent journaliste qui est Thibaut Reiss qui a su me canaliser, mettre en ordre et m'aider, donc c'est vraiment... un livre qu'il a au moins autant écrit que moi. Bon, cela étant dit, donc je voulais pas tricher. On me posait des questions. Thibaut me posait des questions sur ce qui s'est passé dans les classes prépa et j'ai répondu franchement oui. J'ai passé beaucoup de temps en dehors du bahut, comme on disait à l'époque. Bon, pas de quoi en être très fier, mais enfin, j'ai pas non plus à en rougir. Alors vous dites que les mathématiciens sont finalement des gens comme tout le monde, et pourtant vous notez quelques singularités, y compris chez vous. Vous dites que vous mettez peu de temps à vous concentrer longuement sur un problème, et vous mettez beaucoup plus de temps à vous déconcentrer de ce même problème. Il vous arrive de rester très longtemps sous la douche à réfléchir. Je l'ai lu, hein, je n'invente pas. Oui, c'est vrai. Hein, Il y a des témoins. Et vous dites d'ailleurs que c'est pas très bon d'un point de vue écologique, vous gâchez beaucoup d'eau. Je suis pas fier. Et ça rappelle ce que la belle-fille d'Einstein, qui s'appelait Margot, racontait à propos d'Einstein. Elle dit qu'un jour, c'était en 1915, au moment où Einstein mettait sur pied ce qui deviendra la théorie de la relativité générale, elle est inquiète de ne pas voir Einstein ressortir de la salle de bain dans laquelle il était entré 2 heures plus tôt. Et elle l'appelle d'une voix forte et il finit par sortir en disant « Je pensais que j'étais installé à mon bureau ». Il avait travaillé tout ce temps assis dans la baignoire. Ça aurait pu vous arriver. Je pense que je serais quand même conscient. Bon, je ne suis pas Einstein, hein, donc je n'ai probablement pas les mêmes je n'ai sûrement pas les mêmes capacités ni d'invention ni de concentration. Donc je sais que je suis sous la douche, mais je n'ai pas d'excuse. Oui, on rentre dans cet état que tous les chercheurs connaissent, hein. On rentre dans cet état qui se déclenche assez facilement. D'état qui peut-être se rapproche d'un état méditatif dans lequel on réfléchit aux problèmes qui nous préoccupent, comme tout un chacun peut réfléchir à tout moment à une question. Et simplement, ce sont des questions qui sont suffisamment complexes pour que, quand on rentre dans ce processus mental, dans cet état un peu particulier de la recherche en mathématiques, eh bien, le temps est suspendu, hein. On n'a plus aucune conscience du temps. Donc du coup, ça arrive des fois, c'est arrivé à tous les mathématiciens que je connais, ils se mettent à travailler profondément et tout à coup ils regardent la montre et ils pensaient qu'il s'était écoulé 5 minutes et ça faisait 2 heures qu'ils étaient en train de travailler. Donc on se rapproche avec beaucoup de modestie, hein, on se rapproche de ce que vous décriviez dans cette anecdote que je ne connaissais pas et qui est très drôle. Alors j'ai une dernière question personnelle avant qu'on parle plutôt de vos travaux, hein, même si ce sont des travaux personnels évidemment, mais vous dites, à plusieurs reprises d'ailleurs dans votre livre, que votre père, qui était un grand mathématicien comme vous, ne voulait pas que vous fassiez des mathématiques. C'est un peu étrange, parce que vous racontez aussi des anecdotes qui montrent qu'il a voulu vous transmettre dès le plus jeune âge le goût des mathématiques, par exemple en vous faisant voir que dans un tronc d'arbre peut être considéré comme un cylindre dont on peut calculer le volume, par exemple. Oui, alors ça, c'est, il m'a jamais poussé vers les maths. Il avait très peur que je fasse des maths, hein. Ça, c'est, j'ai expliqué dans le bouquin pourquoi. Mais, tout bêtement, parce que lui, il était vraiment, comment dire, considéré comme un des très grands mathématiciens français au monde, et qu'il avait très très peur que ça ne marche pas aussi bien pour moi et que du coup ce soit très difficile à vivre. Et puis il avait connu ça malheureusement de manière assez dramatique dans la famille de Laurent Schwartz. Donc il avait très très peur en fait que je fasse des maths, et cette peur se traduisait par le fait qu'il me conseillait de vraiment faire tout sauf des maths. Et puis c'est vrai que j'adorais la physique, j'adorais toutes les sciences, j'aime beaucoup les sciences de l'ingénieur. Donc il se disait, ah, il y a peut-être une chance qui échappe aux maths et qu'on soit pas manque de bol. On a fini par être mathématiciens tous les deux. Alors vous savez, Pierre Louis Lons, il y a trois sortes de gens. Il y a ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas. Donc le seul fait que je dise cette phrase montre que je fais partie de la deuxième catégorie, mais je sais quand même qu'on est à la moitié de l'émission, et c'est le moment d'écouter un morceau de musique que vous avez choisi, qui est, je crois, un morceau arménien de Tigran Assamian. Tigran Assamian, c'est un pianiste de jazz qui est d'origine arménienne, mais qui a pas mal vécu en France avant d'aller s'installer à New York, et il a eu d'ailleurs le prix de Monk très jeune, qui a des influences très diverses, comme chez beaucoup de musiciens de jazz contemporain, la musique classique bien sûr, outre des aspects plus ou moins traditionnels de jazz, et puis dans son cas aussi pas mal de musique traditionnelle arménienne. Nous allons l'écouter. Culture. La conversation scientifique. Étienne Klein. Bien Louis XI, vous avez choisi donc ce morceau de Tigran Amassian intitulé Une fable ou A fable en anglais. J'ai cru comprendre pourtant que vous aimiez plutôt le rock quand vous étiez jeune. Auriez-vous changé? En fait, j'aime toutes les musiques. Hein. Je suis un passionné de musique et si à la base, mes parents n'écoutaient pas du tout de musique. Donc, je suis un autodidacte de l'écoute musicale. Et à la préadolescence, je commence à découvrir la pop et le rock. Et le rock sera très important. Et je vais venir au jazz et à la musique classique par le rock et découvrir petit à petit tous les mondes merveilleux de la musique. Et puis plus tard, la musique brésilienne. Enfin, j'aime presque tous les styles musicaux. Hein. Tout est bon dans la musique, c'est magnifique la musique. Alors on en parlera peut-être une autre fois, mais là pour l'instant on va attaquer les mathématiques. Par les maths. Vous définissez, je l'ai rappelé, comme un analyste. Vous dites même que vous n'entendez rien à la théorie des groupes, ce que j'ai du mal à croire. Mais qu'est-ce que c'est qu'un analyste par rapport par exemple à l'algèbre? Alors, il y a une façon simple de la définir. Oui, alors, il y a l'aspect étymologique, hein, l'algèbre, ça vient de l'arabe, en fait, c'est un mathématicien persan, et c'est l'idée de reconstruction, de restauration, restaurer l'équilibre. Donc, comme dans une balance, hein, que vous mettez quelque chose d'un côté, il faut rajouter un poids de l'autre, et c'est la manipulation des équations algébriques, où à tout moment, on doit restaurer la balance, on est dans l'égalité. L'analyse, ça apparaît dès que l'on commence à prendre en compte la dimension temporelle des choses. Donc dès que nos amis physiciens, d'ailleurs à l'époque, hein, c'était aussi bien des physiciens que des mathématiciens, et commencent à écrire des équations différentielles, des équations de Newton, plus tard des équations de la chaleur, de la mécanique des fluides, tout ça, il y a le temps, on regarde comment quelque chose évolue, et tout de suite, la variable temporelle, bien c'est une variable continue, hein. Le temps s'écoule, il fait pas des petits sauts, il s'écoule comme ça, continuellement, ça a l'impression en tout cas que l'on a, et bien entendu, l'identité, l'égalité ou l'identité deviennent moins importantes, parce que trop restrictives, par rapport à une vision un peu plus qualitative qui est basée sur l'inégalité. Est-ce que quelque chose est proche de quelque chose d'autre? Est-ce que quelque chose est plus grand que quelque chose d'autre? Etc. Et donc, si on veut très simplifier, l'algèbre, la géométrie est un peu entre les deux. L'algèbre, c'est plus le royaume de l'égalité, de l'identité, et tandis que l'analyse, c'est plutôt le royaume, l'analyse décompose en morceaux, les agrège, on va dire qu'il y a plus de morceaux d'un côté que de l'autre, on va dire que ça c'est un petit morceau, il y a un petit morceau, il y a des gros morceaux, donc vous voyez qu'on est beaucoup plus dans du qualitatif et dans de l'inégalité. Donc un résultat numérique qui provient d'un modèle le plus souvent d'analyse, n'est jamais connu parfaitement. Il est connu avec une marge d'erreur, comme on sait bien, comme tout chacun le sait bien quand on parle de sondage. Ben, les sondages, il y a une grande marge d'erreur. Et sur à peu près tous les nombres dont on nous abreuve dans les médias, sans jamais nous parler des marges d'erreur, ce qui rendrait à peu près dérisoire la plupart la précision avec laquelle ces nombres sont donnés, cet intervalle, on est dans le régime de l'inégalité. Un intervalle, qu'est-ce que c'est? C'est tous les nombres qui sont compris entre deux bornes, qui sont plus grands que le plus petit de l'intervalle et plus petit que le plus grand. Donc, égalité, inégalité, en deux mots pour simplifier, si on veut faire très très caricatural. D'ailleurs, au passage, vous dites un peu de mal de la façon dont médiatiquement on utilise le fameux R0 à propos de la pandémie, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'une personne malade peut contaminer. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à la place de ce qui est dit habituellement à propos de ce nombre dont on dit quand il est supérieur à 1, l'épidémie va évidemment se répandre rapidement, et que s'il est inférieur à 1, elle est maîtrisée? Oui, alors je veux pas m'étendre trop là-dessus, la situation étant suffisamment dramatique comme cela. Je voudrais simplement, d'abord, un, c'est pas un R0, c'est un R2T. Le R0, c'est une donnée assez brute qui caractérise le virus et l'épidémie, en tout cas un type de souche du virus. Donc c'est vraiment un coefficient qui varie dans le temps. Je parlais du temps à l'instant, c'est un coefficient qui varie dans le temps. La première question, c'est quand on annonce un R0 de 1,03, c'est une question que tout un chacun doit se poser, c'est quoi la marge d'erreur? Alors, soit on ne comptabilise que les données que l'on a, auquel cas on peut faire un calcul très précis, puisqu'il est basé sur les données. Relativement précis, c'est basé sur les données. Mais on ne sait pas très bien quelles sont toutes les données manquantes. Combien de gens ont été contaminés sans symptômes et n'ont pas été détectés. Donc, on augmente le nombre de tests, donc la marge d'erreur se réduit. Je serais incapable de vous dire aujourd'hui quelle est la marge d'erreur sur un R2T, un R0 pour simplifier, qu'on indique maintenant. Si on veut vraiment tenir compte de tous les cas, y compris asymptomatiques. Donc, mon estimation personnelle, c'est qu'en mars, le R0, il était connu à 30% près. Voilà. Donc, maintenant, je crois que c'est évidemment plus ça. Mais est-on sûr qu'on est à 1% près, voire en dessous? J'en doute un peu, mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Et en fait, ça rejoint une question peut-être plus importante, c'est que quand on manipule des chiffres, quand les médias manipulent des chiffres, on devrait toujours faire attention à justement quelle est la marge d'erreur qu'il y a sur ces chiffres. Et c'est jamais le cas. On prend le chiffre comme s'il était quasi divin, qu'on ne puisse absolument pas le discuter. Non, ils viennent toujours avec une marge d'erreur. Tous les citoyens le savent en écoutant un sondage. Les instituts de sondage nous ont habitués depuis très longtemps à nous parler de marge d'erreur, et ils ont raison. Et ils disent, oui, tel candidat est un peu au-dessus de l'autre, mais on est vraiment dans la marge d'erreur. On ne peut pas vraiment se décider. Et donc, vous comprenez bien que quand on a, pour revenir à ce RDT qui est autour de 1, il est parfois très très difficile de dire qu'il est un peu au-dessus de 1 ou un peu en dessous de 1. Cela dit, j'avoue ne pas savoir quelles sont les marges d'erreur actuelles. Au mois de mars, c'était épouvantable. Alors venons-en, Pierre-Louis Lyon, à ce qui a fait votre réputation, hein, les équations en dérivées partielles non linéaires, j'en ai parlé. Comment est-ce que vous pourriez définir pour nos auditrices et nos auditeurs de façon simple ce qu'on appelle la non-linéarité? Un problème. Alors, la définition, c'est de quelque chose qui est linéaire, et par opposition, le non-linéaire, ça serait à ce qui n'est pas linéaire, mais quelque chose de linéaire, c'est lorsque une addition de causes induit simplement une addition d'effets. Et donc, le non-linéaire, c'est quand c'est plus compliqué. Bon, alors, on prend un exemple, c'est un exemple très simple, qui est l'exemple d'un gâteau. On a une recette pour faire un gâteau pour 4 personnes. On est 8 ce soir à manger. On doit faire un gâteau donc pour 8. Pour les ingrédients, c'est linéaire. On multiplie tout par 2. Hein, on a la recette, on multiplie tous les ingrédients de la recette pour 4. On le multiplie par 2 et on a ce qu'il faut pour 8. En revanche, une fois que vous avez préparé le gâteau, vous le mettez au four. Eh bien, croyez-moi, si pour le gâteau pour 8 personnes, vous laissez le double du temps dans le four, attention au résultat. Donc ça, c'est non linéaire. Bien qu'il y ait deux fois plus d'ingrédients, eh bien, la cuisson n'est pas linéaire. Donc, moi, je suis pas un grand cuisinier, mais je crois que tout le monde comprendra bien de quoi il s'agit. Donc, c'est un phénomène non linéaire. Un autre exemple, c'est la linéarité. Souvent, c'est une approximation facile à comprendre que l'on perçoit. La Terre est plate. Oui, c'est une bonne approximation. Localement, on peut considérer que la Terre est assez plate. Pourtant, la Terre est ronde. Enfin, elle est même beaucoup plus non linéaire que ronde. Donc, en fait, le plus souvent, les phénomènes concrets, réels, sont non linéaires. Et la linéarité, c'est-à-dire une simple addition d'effets induit une simple addition de causes, pardon, induit une simple addition d'effets, Ça, c'est souvent une approximation qui a un certain domaine de validité. Un dernier exemple pour finir de situation non linéaire. Une orange est à un certain prix. Vous achetez 3 oranges, vous multipliez par 3. Vous achetez 10 tonnes d'oranges, ben on va pas forcément multiplier par le nombre d'oranges. Hein. Ça sera un effet non linéaire qui tiendra compte d'effets de considérations économiques, etc., etc. Donc, ça, c'est l'aspect non linéaire. Alors, vous vous intéressez à des problèmes, j'ai l'impression qu'ils peuvent être définis comme étant des problèmes qui surgissent à la frontière entre les mathématiques et les analyses comportementales. Et vous donnez par exemple l'exemple de la façon dont on circule place de l'étoile. Okay. Alors, comment est-ce qu'on circule place de l'étoile? Il y a des lois du mouvement qui sont des lois physiques, mais en même temps, quand on est dans sa voiture, on regarde un peu les voitures qui sont à droite, à gauche, celle qui est devant, et on essaie de trouver un chemin qui est constamment ajusté aux variations de ce qui se passe autour de soi. Oui, alors ça c'est un intérêt qui est apparu depuis une dizaine d'années, c'est pas spécifiquement, c'était un exemple qu'on avait regardé avec mon ami et collaborateur Jean-Michel Lasserie. C'était un exemple un peu bébête, comme d'ailleurs celui de la Ola. Hein. Vous savez ce que c'est la Ola, la vague dans les stades. On n'en voit plus beaucoup. Il y a plus grand monde dans les stades en ce moment. Donc effectivement, il n'y a plus de voilà. Mais donc c'est aussi une interaction assez organisée et assez intéressante. Il y a eu beaucoup d'études sur la OLA. Et donc, en fait, tout ceci, ça relève de situations où il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de gens qui interagissent, qui ont des buts assez clairs. Hein, il faut franchir la place de l'étoile. On veut faire comme les autres dans un stade, en évitant de se fatiguer trop quand même, etc., etc. Donc, toutes ces situations, et en fait c'est venu d'une action qu'on avait autour du développement durable, et en constatant que dans le développement durable, énormément de questions sont multi-agents, multi-joueurs, la plupart des questions, beaucoup de gens qui interagissent, et sur le long terme, hein, c'est l'aspect durable, et que donc les interactions des personnes qui peuvent être négligées sur un court terme ne peuvent plus l'être sur un horizon un peu plus lointain. Donc quoi qu'il en soit, ces situations où il y a beaucoup d'agents relèvent d'une part de la théorie des jeux, hein, puisque c'est des situations multijoueurs. Théorie des jeux, c'est un domaine des mathématiques. Et également de la physique statistique, car notre idée a été d'utiliser des idées de physique statistique pour tenir en compte, par ce qu'on appelle la théorie du champ moyen, pour tenir en compte le grand nombre de joueurs. Si vous voulez, une sorte d'effet des grands nombres, comme la loi des grands nombres dans les sondages dont on parlait. Donc, d'un côté, théorie des jeux, de l'autre côté, un très grand nombre de joueurs et simplification possible grâce à l'effet des grands nombres. Et ça, c'est la théorie que nous avons construite des jeux à 100 moyens qui a de très nombreuses applications de l'économie au télécom, etc., etc., et y compris sur des algorithmes de fouille des données, dès que ces données concernent des stratèges, des joueurs, des agents. J'ai l'impression que ce qui vous intéresse dans les mathématiques, c'est les situations dans lesquelles ces mathématiques peuvent aider à la prise de décision. Est-ce que je me trompe? Alors ça, c'est un des aspects. Je suis quelqu'un de très curieux, de bavard, comme vous le voyez, et de très curieux. Quand il y a un problème qui me plaît, j'ai tendance à foncer. Donc l'origine est peut-être très variée. Vous avez rappelé que j'ai eu l'immense chance de travailler avec des physiciens et que ça a été une très grande motivation. Donc là, c'était pas de l'aide à la décision, c'était vraiment d'apprendre de la physique. Notamment sur la structure des noyaux, vous avez collaboré avec des physiciens nucléaires. Oui, avec Daniel Goni, un malheureusement décédé aujourd'hui, un très grand physicien, et a fait pratiquement toute sa carrière au CEA. mais qui est bien connu pour la force dite de Gauny en physique nucléaire. Oui, donc c'est cet aspect-là, mais c'est vrai que toute une partie des questions qui m'ont amusé, qui m'ont passionné, relève ce qu'on appelle parfois la théorie de la décision, donc le contrôle optimal, l'optimisation, comment faire au mieux. Et puis là, plus récemment, la théorie des jeux avec un très grand nombre de joueurs. Donc, c'est un jeu à champ moyen. Donc, c'est un intérêt. Mais je suis incapable de vous parler de ligne directrice dans ce que je fais. Non, il y a le hasard, les rencontres. Le fait que quelqu'un se pose une question ou une nouvelle application qui apparaît, on réfléchit à quelle modélisation mathématique on pourrait faire. Le hasard, les rencontres, tout cela a joué un rôle absolument immense et continue de jouer un rôle absolument crucial dans l'orientation de mes travaux. Après, il y a des aspects plus de logique interne, de développement de certains nombres d'outils mathématiques qui m'intéressent, mais là, on est plus dans la continuation de ce qui existe déjà. Mais quand je m'intéresse à des domaines appliqués, c'est le hasard et les rencontres sont souvent prépondérants. Votre livre, Pierre Louis Long, s'intitule « Dans la tête d'un mathématicien ». Donc, on aimerait savoir ce que voit votre cerveau quand vous réfléchissez. Et d'ailleurs, vous dites, le support visuel et mental de mon travail, ce sont des équations, leurs solutions, oui, qui sont des fonctions et des inégalités entre elles. Donc, vous voyez vraiment des symboles qui apparaissent dans votre paysage mental. Écoutez, je vais vous faire une réponse surprenante. Je ne sais pas. Pourtant, vous l'avez écrit, là, je vous ai cité. Oui, si, ça c'est vrai. Mais la manière dont je les manipule dans ma tête, c'est vrai que je peux fermer les yeux, je n'ai pas besoin de papier, je me sers très très peu de papier, à vrai dire, sauf que uniquement lorsqu'il faut finaliser un argument, d'où le risque de rester coincé pendant 2 heures sous la douche, enfin, ou très longtemps sous la douche. Qu'est-ce que je vois dans ce sort de tableau mental, je vois effectivement quelques bribes de symboles et quelques manipulations qui je fais de l'analyse là, hein, donc je décompose, oui, je me débarrasse d'un terme et puis je l'oublie dans ma tête, mais je ne visualise pas vraiment quelque chose, il n'y a pas d'image qui apparaît, hein, je ne suis pas en train d'halluciner et de voir quelque chose, donc c'est pour ça que c'est un état. Adamar a écrit un très beau livre, oui, sur la manière dont on fait des mathématiques, un tout petit livre qu'il connaît, qui exprime beaucoup mieux, mais je n'ai jamais trouvé une description. Einstein, par exemple, avait répondu au questionnaire d'Adamar, et Einstein avait répondu en disant que sa pensée était musculaire. C'est-à-dire, il essayait de sentir par son corps les situations qu'il pouvait imaginer, et c'est ensuite tout un travail de traduire ses impressions physiques en un langage, en une mathématisation, en un formalisme. Écoutez, oui, ceux qui sont tendrés à prouver qu'une fois de plus, d'un être humain à l'autre, il y a beaucoup de variabilité. Donc moi, c'est pas l'aspect musculaire, j'ai jamais ressenti ça. Donc des bribes d'images, mais je peux pas vraiment. C'est pas un film qui se déroule dans ma tête, hein, ça c'est clair. Alors vous racontez dans le livre l'émotion, plutôt l'espèce de non-émotion que vous avez ressentie en apprenant que vous étiez lauréat de la médaille Fields en 1994. C'est quand même bizarre d'apprendre une telle nouvelle sans que ça provoque une sorte de d'échauffement de l'âme. Sans que l'ego se sente transporté en des sommets. Écoutez, j'ai été très très heureux, très très très content. Mais pas tout de suite. Vous dites pas tout de suite. Ouais. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, si vous permettez. Premièrement, j'apprends de un de mes maîtres. Enfin, c'est un Américain, Peter Lacks, me dit 4 ans avant, puisque c'est décerné tous les 4 ans, me dit 4 ans avant. Pierre-Louis, je voulais que tu l'aies tout de suite. Tu as été dans un petit groupe qui restait dans les derniers. J'y suis pas arrivé. Mais enfin bon, et 3 petits points. Et là, c'est un piège redoutable parce que quand même, bon, il faut être honnête. On aimerait bien l'avoir. Bon, J'ai 34 ans, on m'annonce ça, et qu'est-ce que vous faites? Alors, ou bien vous mettez en dire qu'est-ce que je peux faire pour être sûr de l'avoir, ou bien, et ça a été ma réaction, ça a été de dire, je vais essayer de purger ça de ma tête. Je vais oublier qu'elle existe, sinon je vais pas pouvoir travailler, je vais pas pouvoir profiter de mon travail. Et donc, 4 ans plus tard, j'ai un coup de téléphone le soir, et j'ai une semaine de joie, ça y est, j'ai gagné. Enfin, vous voyez le style de comportement un peu puéril qu'on peut avoir à l'annonce d'une grande nouvelle. Mais le conditionnement mental que je m'étais imposé pour fonctionner normalement pendant 4 ans a été tel que je pense que ça a énormément atténué la joie que j'aurais pu ressentir. Bon, après il y a eu la cérémonie, et puis après on en parle beaucoup, mais ça, c'est pour ça que j'insistais sur le prix d'encouragement hein, en début de conversation. Ça ne me définit pas. On m'a dit tu as bien bossé, continue comme ça. C'est vraiment comme ça que je le prends. Et je comprends que pour présenter quelqu'un, ça soit simple, dire il a eu tel prix, telle récompense dans telle année. Mais ça ne définit pas ni les êtres et ni leur travail. La vie de mathématicien Pierre Louis-Lyons, elle est ponctuée par des congrès. Vous en racontez d'ailleurs plusieurs dans votre livre. Vous dites, et ça m'a surpris, vous dites que l'origine étymologique du mot congrès, c'est la rencontre sexuelle entre un homme et une femme. Et j'ai voulu vérifier ça et j'ai pas trouvé de confirmation de ce que vous dites. Par contre, j'ai vu qu'au Moyen-Âge, et jusqu'au XVIIIe siècle, ça a été aboli en 1667, le congrès, c'est un peu le contraire de ce que vous dites, le congrès c'était une épreuve judiciaire, oui, généralement demandée par l'épouse et ordonnée en justice, que devait subir son mari dans le but de prouver son impuissance sexuelle en vue d'une annulation de mariage ou d'un divorce. Les époux étaient réunis dans un lit clos selon l'usage de ces époques, en présence de juges, d'officiels, de conseillers, d'avocats, de greffiers, de médecins, d'experts judiciaires. Et il s'agissait pour la cour d'être témoin de l'impossibilité de la conjonction entre les deux époux. Cette procédure de défi a été progressivement abandonnée parce qu'elle n'était pas fiable. Des époux qui avaient été impressionnés par la solennité du dispositif judiciaire s'étaient avérés féconds après un remariage. Je dis ça pour vous. Oui, c'est intéressant. J'avais entendu cette définition plus tardive. Alors sur du point de vue des Romains, c'est le mot latin congressus. Je l'ai trouvé à plusieurs reprises et c'est un des sens. Ce n'est pas le seul du mot latin congressus. On vérifiera chacun de notre côté, mais je l'ai quand même vérifié à plusieurs reprises. Et ça m'a beaucoup amusé, puisque les congrès tiennent une grande place dans la vie scientifique et dans la vie. Oui, ce sont des passages assez savoureux d'ailleurs dans votre livre, hein, vous en racontez quelques-uns. Mais je voulais, puisque le temps passe, comme vous l'avez dit, je voulais vous interroger, que ce sera ma dernière question, sur l'enseignement des mathématiques. Vous dites, enseigner les mathématiques, ça devrait être raconter des histoires. Il faut raconter des histoires. Est-ce qu'à votre avis, on le fait suffisamment bien? Alors, premièrement, surtout en ce moment, hein, on parle beaucoup des maths avec les classements internationaux, etc. Donc, soyons prudents. Je n'ai absolument pas... Peut-être, c'est ce qu'on a pu comprendre en lisant le bouquin, mais c'était en tout cas certainement pas, je suis sans doute mal exprimé, je n'ai pas proposé qu'on remplace les cours de maths par des cours où on ne fait que raconter des histoires. Non, ce que je pense, c'est que quand on introduit une notion mathématique, le contexte dans lequel cette notion est apparue, l'histoire, la petite histoire qui va avec, y compris le temps que l'on a mis à comprendre ce que c'était cette notion, c'est utile parce que ça montre que ça ne devient pas de nulle part, que ça a été parfois difficile à imaginer. Et que donc, les élèves, s'ils ont un peu de mal, il faut aussi qu'ils s'habituent à cette notion. Donc, oui, c'est uniquement une partie de l'enseignement. Après, je suis obligé de vous interrompre. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Voilà, merci beaucoup. On arrive au terme. Malheureusement, j'avais 1000 questions encore. Mais c'est assez curieux parce que vous avez une trajectoire non linéaire et vous vous réclamez de l'école de la tangente. C'est le nom de votre dernier chapitre et je me demande s'il n'y a pas une contradiction là entre la non-linéarité et la tangente. On en reparlera une autre fois. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Je recommande la lecture de votre livre « Dans la tête d'un mathématicien » paru chez Humaine Science. C'était la collaboration, la conversation scientifique par Étienne Klein. Avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique et au son Laurie Vachon et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire vraiment maintenant, pour ne pas dire immédiatement, vous retrouvez Olivia Gelsbert pour En français dans le texte.